Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. C'est ça qui frappe le plus quand on arrive en Iran pour la première fois, c'est la fierté de n'importe quel Iranien de parler de leur passé prestigieux. Cette semaine, retour en Iran. C'est à la fois une puissance politique, culturelle, littéraire, qui a façonné quelque part la région. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Depuis la révolution islamique de 1979, il y a effectivement une lutte au couteau entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership du monde musulman. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les chiites sont formés à pratiquer ce qu'on appelle interprétation, ce qui s'appelle en arabe ijtihad. Il y a un sentiment en Iran que l'Occident n'a absolument aucune légitimité à dire à l'Iran ce qu'il doit faire sur son programme nucléaire. Nous retrouvons aujourd'hui Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS. Son domaine étant relatif au schisme contemporain et particulièrement les milieux cléricaux. Dans la première partie de l'entretien diffusé hier, Sabrina Mervin évoquait la question de la transmission. Comment celle-ci est-elle opérée ? Il y a un mode de transmission dans le système traditionnel. Là, je parlais d'abord des écoles traditionnelles. Il y a un mode de transmission qui est à la fois extrêmement souple, libre, et c'est comme ça qu'ils l'appellent, le système libre, labile et en même temps très codifié. Et par ailleurs, au sein de ce système, chaque maître va avoir sa manière de le concevoir parce qu'il a intellectuellement son propre cheminement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les chiites sont formés à pratiquer ce qu'on appelle interprétation, ce qui s'appelle en arabe ijtihad, ce qui est en fait un exercice d'induction. Ils sont donc formés à pratiquer un exercice qui va les conduire à obtenir une réponse à une question, à obtenir un avis. Et chacun doit se forger son propre avis. Et s'il veut se faire reconnaître comme une autorité religieuse, il faut qu'il se forge son avis et qu'il le défende vis-à-vis des autres, en argumentant. Donc, il y a une grande individualité, en fait, chez ces savants, qui est encouragée, qui fait partie vraiment de leur manière d'être, de penser. C'est-à-dire que chacun est complètement différent des autres. En même temps, il a eu le même moule, c'est-à-dire qu'il a lu les mêmes textes, le même corpus qui est absolument immense, et souvent il peut même avoir travaillé avec les mêmes maîtres, puisque tout le monde essaie d'aller suivre les cours des meilleurs maîtres qui sont très réputés, et dans leurs cours il peut y avoir 500, 1000 étudiants, pour les plus fameux d'entre eux. Immense, c'est-à-dire ? Immense corpus, c'est-à-dire les chiites produisent énormément, particulièrement en droit islamique, ce qui doit être la spécialisation à suivre quand on veut devenir une autorité religieuse, en droit islamique, en méthodologie du droit, bon, plus en exégèse coranique, bien sûr, plus en hadith qu'il faut connaître. Et ensuite, vous avez toutes les sciences, je dirais, annexes. D'abord, celles par lesquelles il faut passer, tout ce qui est grammaire, rhétorique, enfin, sciences de la langue, puisqu'il faut maîtriser extrêmement bien l'arabe. Ensuite, la logique. Et puis, vous avez à côté de ça, la philosophie islamique, qui est importante chez les chiites, particulièrement en Iran, plus qu'en Irak. Et puis, éventuellement, des sciences humaines, pour certains qui donc ont accepté la modernisation, c'est-à-dire une intrusion finalement étrangère, hein. Donc l'intrusion d'autres récemment d'autres sciences. Or ça s'est fait très progressivement, mais disons que les questions ont été posées dans les années 20 déjà en Irak et puis après en Iran dans les écoles religieuses. Les questions qu'ils se posaient, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les sciences profanes ? Est-ce qu'on les utilise ou pas ? Est-ce qu'on s'initie aux langues étrangères ou pas ? Est-ce qu'on lit les journaux ? Est-ce qu'on lit les revues ? Etc. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, ils sont arrivés à autre chose. C'est-à-dire que ceux qui sont les modernistes ou les réformistes, effectivement, sont initiés aux sciences sociales, éventuellement, et particulièrement en Iran, à la théologie chrétienne. Donc, ils sont tout à fait ouverts à d'autres religions et à d'autres modes de fonctionnement. Je dis Là, je parle effectivement des modernistes, des réformistes. Il y a aussi un courant traditionnel, ce qui n'est pas lié aux politiques, pas du tout. Alors à quoi ? Le côté traditionnel et réformiste, moderniste, parce qu'il peut y avoir aussi des réformistes ou des modernistes au sein, par exemple, du régime iranien, et qui sont par ailleurs conservateurs au plan religieux, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent conserver, c'est la révolution islamique. Voilà. Sabrina Mervin, vous avez prononcé quelques mots comme rhétorique, logique. Pourriez-vous essayer de nous expliquer le rapport au texte ? Est-ce que on doit, pour nous en faire une image, le comparer au nôtre ? Ou on est dans des registres qui sont fort différents, et s'il y a beaucoup de différences, elle serait sur quel lieu ? On peut tout à fait le comparer au nôtre. Après, les outils vont être un peu différents, c'est sûr. Mais on peut le comparer, bien sûr, oui. Et on peut le comparer aussi à d'autres religions, pourquoi pas. Bon, là-dessus, évidemment, il y aurait encore beaucoup à faire. Et je pense dans les travaux des chercheurs eux-mêmes, pour arriver à faire ces passerelles et pour arriver à discuter sur les manières dont les textes sont abordés. Et je dirais aujourd'hui, puisque les choses ont quand même beaucoup changé. Et aujourd'hui, les religieux ne travaillent plus comme hier, tout simplement. Aussi bien chez les chrétiens que chez les chiites ou chez les sunnites ou dans d'autres religions. Vous avez mentionné également un certain nombre de questions. Est-ce que ce questionnement, est-ce qu'on doit lire la presse, est-ce qu'on doit, etc. Ces questions, ce questionnement est-il permanent ? Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que les débats sont permanents. Les débats sont permanents, et je dirais les défis, bien sûr, aussi. Et il y a toujours, disons, des autorités autoproclamées, ou bien des intellectuels, ou bien des intellectuels religieux, ce qu'on appelle les intellectuels religieux, c'est-à-dire qui ont une double formation, à la fois universitaire et en sciences religieuses, pour poser ce genre de questions. Vivante cette semaine, retour en Iran. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Sabrina Mervin, vous pourriez nous emmener faire une promenade au XVIe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est une religion qui va s'imposer ? Si j'ai bien lu et bien compris, j'ai l'impression que ça passe quand même un peu par la force, ça va pas de soi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là ? Alors, ce moment, c'est en fait tout simplement la mise en place, effectivement, d'une religion, donc le chiisme, qui n'était pas la religion dominante en Iran à ce moment-là, par le biais d'une dynastie qui se crée, la dynastie des Safavides, qui n'est elle-même pas chiite. Alors, ce qui est quand même effectivement assez curieux. Alors, pourquoi ? Bon, en face, vous aviez l'Empire ottoman, qui était lui-même en train de se créer. Et l'Empire ottoman s'est assis sur le sunnisme. L'Empire safavide s'est assis sur le chiisme. Et il y a eu des mouvements de population. Des chiites sont allés dans l'Empire ottoman, des sunnites sont allés dans... il y a eu changement de population, mouvement. Et puis, il y a eu aussi des conversions. Bon, tout ça, évidemment, ne se passe pas en 3 ans, hein. Ça prend un certain temps. Et puis, finalement, ces deux blocs se sont formés comme ça. Et les Safavides ont fait venir des savants chiites qui venaient d'autres régions, notamment du mont Amel, qui est le Liban sud d'aujourd'hui, et du Bahreïn, entre autres. Mais cette présentation laisse entendre que le premier mouvement est d'abord politique, enfin qui relève du positionnement politique en quelque sorte, et que d'une certaine manière, c'est créer une identité d'opposition par rapport, en l'occurrence, à l'Empire ottoman. Est-ce que c'est une... on a bien entendu là ? Oui, vous avez entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que la religion, du coup, devient, non pas un prétexte, mais enfin, on va l'utiliser comme un marqueur. Oui, ce qui se fait toujours aujourd'hui. La religion est utilisée comme un marqueur, bien sûr, partout. Mais ce qui n'empêche pas, je dirais, la religiosité des croyants, des gens. Bon, l'Iran est devenu chiite dans sa grande majorité. Les gens sont véritablement chiites. Et en plus, ils ont fait le lien entre ce chiisme et des religions antérieures ou des mythologies antérieures. Enfin, tout ça est cohérent, si vous voulez. Bon, pour ce qui est des Safavides, j'ai un peu caricaturé, j'ai un peu schématisé. Mais bon, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Il faudra combien de temps pour que... ce schisme-là s'impose, peu de temps ? Non, ça n'a pas été facile, et puis et ça s'est fait aussi par des institutions religieuses, et ensuite ça s'est poursuivi avec les Qajars sous des formes tout à fait différentes. C'est-à-dire que tout est toujours en construction, et ce n'est pas quelque chose qui est donné. Pierre Laurie. L'opposition entre chiisme et sunnisme est tout à fait originelle. Le prophète Mohammed est décédé en 632. Il n'avait pas désigné à ce moment de successeur. Il est mort de fièvre un peu soudainement. Et à ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, il fallait décider qui allait prendre sa succession. Et son entourage immédiat a nommé, de façon un peu brusque d'ailleurs, un de ses proches, Abou Bakr, mais qui représentait tout un courant, tout un, bon, j'allais dire un lobby, ça me manque de respect, mais en fait c'est ça, à l'intérieur de l'État musulman de l'époque. Or, il y avait une autre partie de la communauté musulmane qui pensait que légitimement le pouvoir aurait dû revenir au gendre de Mohammed, qui s'appelait Ali, qui était à la fois le cousin de Mohammed, qui était le mari de la seule enfant de Mohammed qui avait survécu, Fatima. Et donc, les partisans de Ali, ceux que plus tard on a appelés les chiites, se sont sentis frustrés par la nomination de ce premier calife, qui est mort 2 ans après. Le calife suivant, Omar, était également un des leaders de la première tendance, donc les chiites ont été frustrés une seconde fois. Et la troisième, au moment de la succession de Omar, qui est mort assassiné en 644, on a de nouveau choisi quelqu'un qui n'était pas Ali, bien que Ali ait en quelque sorte présenté sa candidature, elle a été écartée. Et ce troisième calife, Othman, a régné, les conquêtes ont été poursuivies, mais les chiites étaient toujours frustrés, et au moment de la mort de Othman, qui est lui aussi mort assassiné, en 656, c'est enfin Ali qui a pris le pouvoir. Et à ce moment-là, a éclaté une guerre civile entre les partisans de Ali et les autres, qui ne s'appelaient pas encore sunnites, mais disons que peu importe le détail, le résultat en tout cas, c'est que Ali a été battu et que donc le pouvoir qui allait devenir sunnite a été assuré donc par les califes pendant des siècles et des siècles. Le mouvement chiite donc est un mouvement de refus légitimiste, mais... Et alors c'est là où la chose évolue et prend une allure beaucoup plus profonde. Les chiites, non seulement ont affirmé que les califes étaient des usurpateurs et que seul Ali et sa famille devaient régner sur la communauté, mais ils ont affirmé que Ali avait été désigné par Mohammed comme successeur et qu'il était le dépositaire de l'interprétation cachée du Coran et de toute la dimension spirituelle de l'islam. Ils ont accusé les sunnites d'avoir censuré le Coran. Donc il y a, l'idée, petit à petit, s'est construite sur le fait que les descendants, Ali et ses descendants, étaient les successeurs non seulement politiques légitimes, mais religieux du prophète. Non pas que ces hommes, que les chiites appellent les imams, soient des prophètes, mais c'est eux qui interprètent la prophétie. Ce sont eux qui sont les garants de l'interprétation du Coran et finalement de la volonté divine sur terre. Et aucune, enfin seuls eux, disons, seuls ces imams ont le droit de proclamer la vérité en, dans le domaine religieux face à la communauté musulmane. Donc il y a une conception de la religion qui est profondément différente. Pour les sunnites, le prophète est mort et puis il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de lignée qui hérite du pouvoir politique. Et quant à l'interprétation religieuse, ben, c'est un effort collectif fondé sur tout ce qu'on peut savoir, sur ce que le prophète lui-même a dit. Alors que pour les chiites, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas... Enfin, le seul recours, c'est le recours à l'imam. L'imam qui, selon le courant chiite dominant, les imams sont au nombre de 12, et le 12e est caché, il a disparu autour des années 940, il est toujours vivant, et il réapparaîtra à la fin des temps. C'est l'imam Mahdi. Et donc les chiites sont dans l'attente eschatologique du retour du Mahdi. Mais le fonctionnement théologique dans l'islam chiite est complètement différent de celui de l'islam sunnite. En effet, pour savoir quelle est la vérité sur un problème juridique ou théologique, les chiites se réfèrent à l'enseignement écrit laissé par leurs 12 imams et puis professent que l'imam caché est lui seul légitimement le chef de la communauté. Alors comment connaître la volonté de l'imam caché puisqu'il n'est pas là pour se prononcer? Petit à petit, s'est élaborée l'idée que le consensus des grands savants, ceux qu'on appelle les ayatollahs, que le consensus des grands savants traduit la volonté de l'imam. Donc tous ces grands savants, s'ils sont d'accord sur un point, eh bien ils représentent ce que l'imam veut transmettre à ses chiites. Et donc on voit que c'est reconstitué dans le chiisme une manière de clergé qui n'existe absolument pas dans la communauté sunnite. Sabrina Mervin. Je reprendrai tout simplement la manière dont les chiites et les sunnites se présentent eux-mêmes et se distinguent eux-mêmes. À savoir, les sunnites se disent les gens de la communauté, les gens de la sunna, donc la sunna du prophète, et de la communauté, et les chiites se disent les gens de la famille du prophète. C'est-à-dire que ce sur quoi le chiisme a été fondé, c'est la famille du prophète. À savoir, sa fille, Fatima, son gendre et cousin Ali, qui a été le premier imam, et ensuite les 11 imams, qui sont les descendants de Ali et de Fatima. Donc c'est ce qu'on appelle les Ahl el-Bayt, et ce sont eux les transmetteurs du message du prophète, du message coranique. Et dans le chiisme, bien sûr, la prophétie fait partie des fondements de la religion, la prophétie de Mohammed, mais elle est complétée par l'imamat qui est exercé donc par Ali d'abord et puis ensuite par les autres imams. Donc je crois que ça c'est vraiment ce qui diffère avec le sunnisme. Ensuite, le chiisme a développé une école juridique, donc une école de droit islamique. Le sunnisme en a 4 et si on regarde bien, il y a peu de différence entre ces 4 écoles sunnites et l'école chiite. Là, on est dans les détails. Bon, par ailleurs, il y a quelques petites différences, disons, théologiques. Et puis surtout, il y a des questions d'histoire qui posent problème. C'est-à-dire que la scission s'est faite sur la question de la succession du prophète, puisque pour les chiites, c'est Ali qui devait être le successeur du prophète. Après ça, il y a eu d'autres événements qui ont fait que le chiisme est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire des événements fondateurs. et particulièrement la mort du troisième imam, Hossein, en martyr à Karbala, en 680. Alors, cet événement fonctionne vraiment comme un mythe fondateur du chiisme, et il est reproduit chaque année, commémoré chaque année dans des célébrations qui sont désormais connues puisqu'on les voit, elles sont très médiatisées, elles peuvent être spectaculaires, mais par ailleurs, ce qu'elles commémorent, c'est le martyr et donc la disparition du chef. Alors, il y a eu ensuite d'autres imams, la lignée a pu continuer, il y a eu un survivant, un fils de Hossein a survécu à Karbala, donc il a continué la lignée, mais le 12e imam a, selon la doctrine, disparu. Et donc, le schisme est une religion de l'absence. La disparition compte, mais la forme que prend cette disparition semble compter au moins autant. C'est-à-dire ? Martyr. Ah, le martyr de Hossein, oui. Bien sûr, le 12e n'a pas connu le martyr, il a disparu. Bien sûr, le martyr est important. Bon, rapporté à un événement historique, il y en a eu d'autres de la sorte. Hein. Et les autres ont été aussi violents. Je veux dire, c'était simplement des coutumes guerrières. Hein. À l'époque, on tranchait les têtes, on coupait des membres. Alors aujourd'hui, évidemment, ces têtes symboliquement sont brandies dans des défilés, et on parle des membres coupés, et ça permet de libérer de l'émotion chez les fidèles. Mais bon, si on se rapporte à l'histoire, voilà, c'est une bataille comme une autre. Sabrina Mervin, je vais me faire le porte-parole de ceux qui nous écoutent. Vous nous avez dit que quand vous avez débuté dans le métier, il n'y avait pas grand-chose. Qu'est-ce qui a pu vous attirer au départ ? Est-ce que c'était le fait qu'il n'y avait pas grand-chose ? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de ce pas grand-chose qui vous parlait ? Et si c'est le cas, ou les deux, hein, c'est aussi possible, si c'est le cas pour la deuxième hypothèse, qu'est-ce que ça serait si ce n'est pas indiscret ? C'est toujours indiscret ce genre de question, effectivement. C'est les réponses qu'ils sont, comme dirait le film. Pour un chercheur, je trouve qu'il est beaucoup plus stimulant de trouver un sujet, un objet de recherche sur lequel il y a des choses à défricher. D'autant plus que, bon, personnellement, je ne suis pas une théoricienne, donc... ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver des choses. Voilà, on cherche, on trouve, et c'est ce que disait mon directeur de recherche, il y a des chercheurs qui y trouvent. Donc, moi, c'est ce que je voulais, c'était trouver des choses, c'était aussi, bien sûr, combattre des idées reçues, c'était comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, et c'est quand même une bonne manière de procéder. Bon, il y avait pas mal de motivation, mais c'est vrai que le vide scientifique était quand même quelque chose qui m'a vraiment motivée et encouragée. à poursuivre. Et en fait, je me suis dit qu'au bout d'un moment, je quitterais certainement ce domaine et que je travaillerais sur d'autres choses, d'autres branches de l'islam. Et puis, je n'y arrive pas parce que les chiites sont extrêmement dynamiques. Et parce que aussi, plus on avance dans la recherche, plus on mesure combien on est ignorant. Donc, je n'arrive pas à quitter ce domaine parce que j'ai toujours des choses à trouver, j'ai toujours des choses à chercher. Qu'est-ce qu'on trouve quand on cherche qu'est-ce que vous appelez trouver, en soulignant bien que il ne s'agit pas de, comment vous avez dit, de théorie. C'est-à-dire des faits, simplement s'apercevoir, par exemple, bon, quand j'ai commencé, j'ai travaillé pour ma thèse sur l'histoire contemporaine du chiisme libanais. Et ce que je voulais montrer, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un réformisme chiite comme il y a un réformisme sunnite qui a été assez bien étudié quand même, notamment en Égypte, mais aussi ailleurs, en Tunisie, etc. Et donc, c'était la question de départ. Et je me suis rendu compte, en travaillant, bien sûr, dans les textes, en allant voir tout simplement ce que ces gens avaient écrit, et quelles étaient les répercussions que leurs écrits avaient sur ce qui se passe aujourd'hui, dans les milieux des clercs. Eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait un mouvement réformiste, moderniste, tout comme il y en avait eu un dans le sunnisme. Dans la lecture, est-ce que l'on fait des allers-retours entre le religieux et le politique, les deux étant imbriqués et inextricablement mêlés, ou au contraire méthodiquement séparés ? Ça dépend ce qu'on lit, parce que quand on lit des textes religieux, il n'y a pas de politique, mais du tout. Vraiment pas. Donc là, c'est pareil. Oui, enfin, ce n'est pas le territoire, bien ça passe de biais. Alors évidemment, je dois être honnête, hein, je travaille sur l'autorité religieuse. Donc aujourd'hui, l'autorité religieuse, bien sûr, chez les chiites, elle est liée aux politiques justement à cause de l'Iran. Mais pas pour toutes les autorités religieuses chiites. Hein. Il y en a qui ne lient pas leur magistère aux politiques. Et puis, il y a des manières différentes aussi de lier aux politiques. Par exemple, certains considèrent qu'ils se doivent d'avoir des positions politiques, tout simplement parce qu'ils vivent dans le monde, ils vivent dans la société, et qu'ils sont, qu'ils agissent comme des conseils pour la société et pour les jeunes notamment, et que donc ils doivent dire leur opinion. Mais il s'agit seulement d'avoir des opinions, et il s'agit pas d'intervenir forcément en politique. Et il ne s'agit pas non plus d'exercer une autorité qui serait aussi du domaine du politique. Alors, il y a comme ça des nuances. Et ces multitudes de nuances font l'équilibre. Elles font l'équilibre, elles font la richesse aussi, et elles font que, justement, je suis toujours à étudier le chiisme. Ainsi s'achève notre semaine intitulée Retour en Iran, semaine réalisée par David Golan. Dimanche prochain sur RTS2, pas de rendez-vous avec le documentaire. Nous nous retrouverons donc à l'antenne dès lundi.